Notice de Nohant, 21 décembre 1851. Prêcher l'union quand on s'égorge, c'est crier dans le désert. Il est des temps où les âmes sont si agitées qu'elles sont sourdes à toute exhortation directe. Depuis ces journées de juin, dont les événements actuels, allusion au coup d'État de décembre 1851, sont l'inévitable conséquence, l'amour du comte qu'on va lire s'est imposé la tâche d'être aimable, dut-il en mourir de chagrin. Il a laissé railler ses bergeries, comme il avait laissé railler tout le reste, sans s'inquiéter des arrêts de certaines critiques. Il sait qu'il a fait plaisir à ceux qui aiment cette note-là, et que faire plaisir à ceux qui souffrent du même mal que lui, à savoir l'horreur de la haine et des vengeances, c'est leur faire tout le bien qu'ils peuvent accepter. Bien fugitif, soulagement passager, il est vrai, mais plus réel qu'une déclamation passionnée et plus saisissant qu'une démonstration classique. George Sand.